L'actualité à Nancy et ailleurs. Sylvie Cunin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association pour la sauvegarde et la promotion de la forêt de haies. Et avec la ville de Laxou, vous donnez rendez-vous ce week-end aux amoureux de la nature pour une balade en musique. Dites-nous tout, qu'est-ce qui nous attend ce week-end ? Deux actions en deux temps, c'est-à-dire que le matin, on vous propose sur inscription une balade sylvatique, c'est-à-dire une initiation à un bain de forêt pour ressentir l'énergie des arbres, pour vous détendre, pour que vous vous rendiez compte à quel point la forêt peut être source de bienfaits. Donc on propose cette activité le matin, guidée par Nathalie Bouliung, spécialiste de balade sylvatique. C'est une activité qui est payante et qui se fait sur inscription. Balade en musique 2021. @gmail.com. Voilà, il est toujours possible de s'inscrire donc en écrivant à cette adresse baladeenmusique2021@gmail.com. Voilà, il reste quelques places de disponibles. Donc ça, c'est le matin, c'est entre 10h et midi. Ça, c'est le matin, voilà. Et l'après-midi, nous donnons rendez-vous à 14h au niveau du parcours de santé de la Sapinière à Laxou pour ce qu'on appelle une balade en musique, c'est-à-dire une déambulation libre sur le parcours de santé avec différents stands. Alors régulièrement, tous les 200 mètres à peu près, soit vous avez un artiste créateur qui présente ses œuvres, soit vous avez un groupe de musique qui vous fait partager ses petits morceaux, tout ça dans la bonne humeur, avec bien sûr le stand de la forêt de haies qui sera là pour vous accueillir et qui pourra répondre à vos questions par rapport à nos actions, et puis bien sûr une petite buvette pour partager un petit moment de convivialité. Voilà, c'est entre 14h et 17h, donc là c'est gratuit, hein, on peut y aller librement. C'est gratuit, c'est totalement gratuit, c'est libre. On peut se garer sur le parking de la grande surface qui est à proximité. Il y a les bus aussi qui arrivent, hein, le 2, le 4. C'est le parcours de santé de la Sapinière à proximité des terrains de foot. Et là, donc, vous l'avez dit, hein, c'est sur 2 km à peu près. On se balade environ, et puis on voilà. Se laisse porter par la musique proposée par les voilà. Différents artistes. Combien d'artistes musiciens seront là d'ailleurs ? Alors, on a 8 artistes musiciens oui. Et 8 artistes créateurs. Alors, on a par exemple les Airs Joyeux, les Culs Trempés, Louise Ellie, Louise Bailly, le trio Bézame. On a également une conteuse, Julie André, qui vous comptera en même temps qu'elle joue du violoncelle. Pour les artistes, on a l'Étincelle, les Filles de la Place avec leurs attrape-rêves. L'atelier du Mirabellier, un monsieur qui crée des objets utilitaires à partir du bois de Mirabellier. On aura également Guy Ogis qui va nous présenter ses vanneries, feuilles de papier avec ses créations poétiques. Il y a un monsieur aussi qui vient présenter ses cadrans solaires. Beaucoup d'artistes qui vous attendent en espérant un petit peu le soleil, dans la bonne humeur. Voilà, on vient quand on veut, entre 14h et 17h, et puis on se laisse porter donc par l'ambiance, par les musiciens et par les différents créateurs et émerveillements donc, qui proposeront lors de cet après-midi. Donc là, on y va gratuitement. Oui, gratuitement. Et puis aussi, vous proposerez donc un goûter fait maison. Et bien sûr, l'occasion de découvrir aussi votre association, l'association de sauvegarde et de promotion de la forêt de haies, qui œuvre tout au long de l'année d'ailleurs. Oui, alors depuis 1972, hein, nous fêtons les 50 ans de l'association l'année prochaine. Elle œuvre pour que cette forêt qui a vécu quand même une urbanisation galopante soit classée. L'association a œuvré pendant de nombreuses années avec bien sûr d'autres partenaires, d'autres associations comme Flore 54 entre autres, pour que cette forêt soit sauvegardée. Et elle est sauvegardée depuis octobre 2018. Mais maintenant qu'elle est sauvegardée, il nous faut faire respecter cette sauvegarde. Tout au long de l'année, on travaille justement avec les partenaires, avec les municipalités, pour que cette forêt puisse vivre tout à fait normalement et soit respectée surtout. Au-delà de cette belle journée que vous proposez, c'est aussi tout le travail derrière. Vous allez aussi organiser l'Assemblée Générale très prochainement, le 4 septembre je crois, hein. Tout à fait. Nous avons également notre Assemblée Générale le 4 septembre où on accueillera tout le monde qui veut bien venir. Alors là, par contre, le pass sanitaire sera obligatoire puisqu'on sera en intérieur. Hein, je le précise, alors que la balade, comme on est en extérieur et qu'on est en forêt, le pass sanitaire n'est pas demandé. Voilà, donc vous attendez tout le monde, petits et grands, ce dimanche entre 14h et 17h pour la balade en musique. Et pour aller plus loin, pourquoi pas aussi s'inscrire pour l'animation le matin, là qui est payante, hein. Voilà, tout à fait, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de souci. Vous avez un site internet peut-être où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, on a le site internet www.forêtdehaies.org et sur le Facebook de l'ASP Forêt de Haies. Parfait, merci beaucoup Sylvie Cunin. Ben, c'est moi qui vous remercie et on vous attend nombreux pour ce dimanche. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.